et actionnez les nombreuses animations interactives. Mini-Europe, c'est géant. Et ensuite, plongez dans l'Océade à côté de l'Atomium avec le soutien de La Première. La Première. Il est 11h. Nicolas Lehmann avec vous, bonjour à tous. Des grévistes mis à l'amende et le syndicat qui va payer pour eux. Souvenez-vous, entre le 25 mai et le 3 juin dernier, les cheminots partaient en grève sans préavis. Une grève sauvage pour la SNCB qui leur inflige 12,50 € d'amende, montant que la CGSP va donc rembourser. La NVA dénonce que les dotations publiques des syndicats ne doivent pas servir à rembourser des amendes. La CGSP se défend. Il s'agissait, dit le syndicat, d'une grève émotionnelle pour défendre des acquis sociaux. La CGSP qui entend d'ailleurs aller plus loin et qui pourrait saisir le Conseil d'État pour faire tout simplement annuler ses amendes. Il n'est plus président depuis 8 ans et pourtant il aura droit à une fête d'État aujourd'hui. Fidel Castro a 90 ans. Malgré ses problèmes de santé et son retrait de la vie politique, il incarne toujours Cuba et reste très populaire. Depuis 2008, c'est son frère Raúl Castro qui a pris sa succession à la tête du pays. Des villages coupés du monde, des centaines de personnes évacuées, l'état d'urgence a été décrété en Louisiane. Les inondations y ont fait 3 morts ces dernières heures, la pluie qui devrait encore tomber pendant plusieurs jours dans le sud des États-Unis. Déception cette nuit aux Jeux Olympiques pour les frères Borlée. Kevin et Jonathan ont été éliminés dès les séries du 400 mètres. Nafisa Toutiam, elle, pourra-t-elle garder sa deuxième place actuelle à l'heptathlon? Il reste 3 épreuves. C'est à suivre dès 16h45. On suivra aussi cet après-midi la finale du disque avec Philippe Milanoff. Les festivités du 15 août à Liège débutent aujourd'hui à l'occasion de l'Assomption, une fête populaire qui va durer jusqu'à mardi. À l'occasion de laquelle plus de 200 000 personnes seront attendues. La journée du samedi est traditionnellement dédiée aux enfants. Ils défileront ce soir dans les rues d'Outremeuse. Notons que cette année, la sécurité a été renforcée. Et en ce long week-end du 15 août qui commence, vous êtes nombreux à prendre la route des vacances. Sachez que la journée est classée rouge en France. On compte ce matin déjà près de 190 km de bouchons, surtout entre Lyon et Orange ou encore sur les routes qui mènent à l'Espagne. Excellente journée. Toute l'info est sur rtbf.be. La Première. Proximus présente le plus impatient des réseaux. Dis barbecue ce soir. Non, désolé, je peux pas. Bah tu fais quoi? Ben, je dois acheter en ligne des entrées pour un festival, googler les paroles de wow wow wow, prendre des photos du paysage et les poster sur Instagram avec un filtre sunrise pour dire que c'est l'été, aller sur Tinder pour pouvoir enfin avoir une petite amie à inviter à la prochaine fête de famille que je dois mettre comme événement sur Facebook et faire du face-swap avec des inconnus parce que c'est drôle. Il n'y a qu'un seul réseau qui soit le meilleur pour surfer et partager hyper vite. Le plus impatient des réseaux. Vérifiez sur proximus.be/qualité. Et tu sais que tout ce que je peux faire ici, je peux aussi le faire à l'étranger? Surfer et partager aussi en vacances. Proximus réduit les tarifs roaming pour ses abonnés jusqu'à 70%. Proximus, infiniment proche. Elle est pas belle la vie? Chez Bricoplanet, c'est 13 et 16 août, moins 15% sur tout et moins 25% à partir de 250 € d'achat. Plus d'infos sur planet.be. Bricoplanet, tout pour la maison. La Première et la Une présente... Konnichiwa. Tu m'emmènes au Japon cet été? Mieux, je t'invite sur la Grand Place de Bruxelles. Du 12 au 15 août, le 20e tapis de fleurs de Bruxelles fête 150 ans d'amitié belgo-japonaise. Info et tickets sur flowercarpet.be avec la région de Bruxelles Capitale, la ville de Bruxelles et la Loterie Nationale. Retrouvez votre météo au 0900 277 70, 50 cents l'appel. Votre partenaire pour l'été. Solaire, mini format, premier soin. Tout est chez Di. Faites-vous plaisir. La Première présente... Samouraï, Dame, Tomasenko, Ablaï Sissoko et Constantinople, Lula Pena, une carte blanche à Manu Hermia, Trick Track Trio et Polairement, Diab Quintet, Refugees for Refugees, des stages, des concerts gratuits intra et extramuros. Le Festival d'art de Huy, musique et voix du monde. Du 20 au 24 août. Info, huyartfestival.be. Avec l'avenir. La Première, 11h midi, le samedi, bientôt à table, avec Sophie Mouls. Samedi 13 août, bonjour à tous et les bienvenus pour cette heure gourmande, épicurienne et résolument savoureuse. De la saveur et du goût avec Carlo. Bonjour, allez. Avec vous surtout. Oui. Vous allez bien Carlo ce matin? Mais très bien. Et 13 août, on est encore dans les vacances. À fond. En mode y a pas relax max, oui. Et en mode sardine. Bah la oui. star de l'été. Pareil. Vous êtes content, Carlo? C'est maintenant que je dois faire mon coming out, c'est ça? Bah mais dites-le, vous n'aimez pas la sardine. Non, j'aime pas la sardine. Il y a deux, trois trucs comme ça que j'aime pas tellement, et notamment les poissons gras cuits. Oh, donc voilà, donc la sardine peut-être, si elle est crue, mais cuit, j'ai un peu de mal, mais voilà, j'apprends, c'est un long chemin. Vous allez voir, après cette émission, vous ne serez plus le même homme. Non. La sardine, nous vous la faisons découvrir ce matin avec notre chef de l'été, Monsieur Philippe Emmanuelli. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, je le rappelle, vous êtes un auteur prolifique, des ouvrages qui cartonnent, coquillages et crustacés et fiches chez Marabout. Vous êtes aussi le propriétaire, l'heureux propriétaire de la table du moment dédiée aux coquillages et crustacés. Ça s'appelle Crab Club. On est où exactement, Philippe? On est Porte de Halle, au début voilà, de la chaussée à Bruxelles. C'est ouvert là pendant le mois d'août. C'est ouvert tout le temps, et 7 soirs sur 7. Allez-y, vous serez en mode vacances. Voilà, la sardine, vous allez nous la décliner, nous donner quelques petits conseils pour la sublimer. Vous êtes venu avec une bouteille de vin, là, Philippe? Oui. Qu'est-ce que c'est que donc? C'est un vin des îles Canaries, sur Tenerife. Waouh, ça sent les vacances, Carlo. Vous allez surtout, nous l'ouvrir. Ça sent l'originalité, je ne connais allez pas du tout. Nous, mais non, je ne savais même pas qu'il y avait du vin là-bas. Ça me semblait très aride, ces îles, non? Oui, mais là, encore une fois, les techniques et les cépages se sont adaptés. Bon, en tout cas, on va déguster ça dans quelques secondes. On retrouvera évidemment Julie Andrieux, que nous retrouvons durant toutes ces vacances, animatrice des carnets de Julie sur France 3 et auteure du livre Le Tour de France gourmand de Julie chez Alain Ducasse. Aujourd'hui, Carlo, elle vous emmènera dans le sud-est de la France, la Côte d'Azur, l'arrière-pays niçois en passant par Monaco. Elle nous fera découvrir quelques spécialités régionales et puis on ira se balader en Brabant ou à Londite. Mais oui. Oui, dans un charmant village ou en bord de lac, quelques jolies tables à découvrir avec Philippe Limbourg, des guides Gomio. Voilà les amis, rien que du bon jusqu'à midi. Bientôt à table sur la première. Bon, Carlo, je vous avais commandé un petit billet sous forme d'ode à la sardine. J'ai du mal. Jamais de la vie, plutôt mourir, mais enfin, non. C'est bon la sardine. Mais non, mais je sais que vous aimez ça, et surtout, c'est moi le problème, c'est moi le porteur de handicap dans cette histoire. Donc vraiment, c'est pas du tout, je n'oserais jamais dire que la sardine c'est mauvais, au contraire c'est très bon. En plus, c'est un poisson, c'est vraiment... C'est bon pour la santé, bon quoi. Pour la santé, en plus c'est un produit qui fait la Méditerranée. Le nom même de cette sardina pilchardus, ça vient du nom sardine. Parce que les Grecs avaient notamment remarqué qu'elle abondait dans les eaux. Mais attendez, pilchardus, le pilchard, c'est de la sardine. Oui, c'est tout ça, c'est toute la même famille. Ah bon. Et on se rapproche un petit peu du hareng aussi, des poissons, donc des poissons gras. Qui dit poisson gras dit poisson riche en oméga 3. Ah, bien. Et ces bons oméga qui ont le bon goût de rester tout à fait intacts, même dans la conserve. Alors, juste un petit mot sur les oméga 3 du poisson. C'est que les oméga 3, il y en a diverses sortes, et notamment dans le poisson, dans le thon également, on trouve ces oméga 3, les fameux oméga 3 dits à chaîne longue, qui nutritionnellement, pour ton petit cœur ou ton petit cerveau, c'est encore mieux. Alors, qui dit poisson de pêche et même poisson d'aquaculture dit que à bientôt à table, on ne peut pas éviter de se poser la question de la durabilité. Et comme toujours, la durabilité en matière de poisson, je pense que Philippe Emmanuelli en connaît un rayon dans le domaine, la durabilité en matière de poisson, c'est très compliqué parce que on ne peut pas décréter qu'une espèce est durable ou pas. C'est une question de mode d'espèce, oui bien sûr, mais de mode de pêche et également de saison. Alors, je voulais juste épingler un petit truc, c'est que en Bretagne, par exemple, il y a au moins 27 pêcheurs qui pêchent ce qu'on appelle à la bolinche, je parle sous contrôle de Philippe Emmanuelli, qui se sont certifiés, mais c'est il y a plus de 6 ans déjà. Mais j'aimerais bien savoir, la bolinche, c'est quoi? Alors, c'est une espèce d'épuisette. C'est une espèce de grosse épuisette, donc ce n'est pas du chalut qui racle, oui, c'est une espèce de grosse épuisette. Après, c'est sélectif, quoi. Voilà, c'est surtout, je vous reconnais bien volontiers que n'étant pas fan de sardines, je n'ai pas encore pris mon ticket pour une pêche en mer à la bolinche. Je vous en mais donc, c'est très très important que ce genre de pêche perdure, et c'est très important aussi de se renseigner. C'est toujours compliqué, parce que quand vous allez chez le poissonnier, souvent ils ne savent pas l'origine des produits, ils ne savent pas si c'est certifié ou pas. La certification MSC, c'est pas la panacée, mais c'est quand même le début de quelque chose. Et donc, cette bolinche, elle est revenue. Et surtout, cette certification est repartie pour 5 ans, il y a un an. Donc, on est parti sur déjà 10 ans de profilage de certification MSC sur cette sardine très spécifique. Alors, parlons peut-être de cette pêche avec Philippe Emmanuelli. Je rappelle que vous êtes grand spécialiste de ces produits de la mer. La sardine, donc ici, pêchée à la bolinche, c'est vraiment le genre de démarche qui vous intéresse? Qui est sélective. positive. Ouais. C'est une pêche qui n'est pas très destructrice. C'est bien. D'autant qu'il y a des quotas aussi qui sont instaurés. Et c'est vrai que la pêche en Bretagne, notamment dans cette région autour du Finistère Sud, autour du Guilvinec et de Douarnenez, qui était aussi connu pour ses conserveries, ouais, on a une grande tradition de la sardine. C'est plutôt réconfortant et les stocks sont au beau fixe. D'accord. Ce qui est toujours inquiétant, ouais, d'une certaine manière, parce que c'est assez tentant. Eh oui. D'aller piocher là où il reste encore des réserves. Ce qui s'est fait d'ailleurs sous d'autres latitudes, puisque la sardine, qui effectivement n'est pas un poisson très très prisé, qui en cuisine a souvent une odeur forte à la cuisson et peu de goût finalement, même si elle a une valeur nutritionnelle extrêmement importante. Peu de goût, je trouve que c'est un poisson qui est quand même très... Elle a été assez dévalorisée, et donc les grandes pêches qui se font notamment en Amérique du Sud et qui déciment les bancs de sardinettes pour faire de la farine pour nourrir des thons en Méditerranée. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. C'est assez tragique. On en est loin encore en Bretagne ou même autour de la Sicile. Hein. La pêche en Sicile ou en Sardaigne est une pêche assez noble et respectueuse. Il y a une différence justement entre ces sardines de la façade atlantique de la France, par exemple, et la méditerranéenne, au niveau du goût, du gabarit. Oui, elles sont souvent un petit peu plus grandes et petit peu plus grasses. Celle de l'Atlantique ? En Atlantique. Ouais, d'accord. Okay. C'est pour lutter contre le froid. Mais probablement. Vas-y, ça non, mais c'est vrai, c'est pour ça d'ailleurs, hein, l'origine. C'est les poissons qui vivent en profondeur, ils vivent entre 500 et 600 mètres de profondeur. D'accord. Et pour lutter contre le froid des profondeurs, il faut du gras. Carlo, vous savez ça, vous. Je me dis, tiens, quand est-ce que ça va arriver? et donc elle remonte. Je nage très bien, Sophie. D'ailleurs, je sens que vous prenez un petit peu d'embonpoint à mesure que les semaines avancent. Mais c'est bien. Pas du tout l'été, je m'assèche. Non. En tout cas, la sardine, un poisson, vous l'aurez compris, excellent au niveau nutritionnel et puis au niveau du goût, ben moi j'aime bien ça, et alors autant la décliner. Donc, c'est aussi un poisson qui est très bon marché. Évidemment. Et que le rapport entre l'intérêt de manger de la sardine et le prix que ça coûte est très intéressant. Exactement. Alors ce qu'on va faire dans quelques secondes, Philippe, c'est qu'on va s'amuser à la décliner, à la sublimer, cette belle reine de l'été. Ben, Carlo, chacun ses vices. Hein. Moi j'aime sublimer, vous aimez quoi? Je n'aime pas la sardine. Mais en revanche, je suis très très curieux et je suis pendu à vos lèvres, Philippe, parce que j'ai envie d'apprendre à aimer la sardine, donc il va falloir m'aider sur ce chemin. Eh bien, ce sera juste après Admiral Freebie, Too Much of Everything. Organic juice or regular, without or without pulp. It's embarrassing. I just wanted something to drink. 'Cause there's too much of everything. Too much of everything. Too much of everything in this world. I went out to the local coffee shop and I wanted something to drink. You want double shot latte, caramel macchiato, frappuccino, cappuccino, soy milk. It's embarrassing. I just wanna drink something. There's too much of everything. Too much of everything. Too much of everything in this world. It's an ankle deep river you can drown. 'Cause there's too much of everything. I went out to the local mademoiselle 'cause I wanted something to feel. I was feeling bad, feeling good, feeling sad, feeling something, you know. It's embarrassing. Feelings are not that convincing. There's too much of everything. Too much of everything. Too much of everything in this world. 'Cause there's too much of everything. Too much of everything. Too much of everything in this world. It's an angry deep river you can drown in. Regular or sugar free? Organic regular or regular, regular, regular, regular? What would Jay-Z do? Cause there's too much of everything. Too much of everything. Bientôt à table, à l'heure estivale, aujourd'hui Carlo, on boit du vin des îles Canaries et nous parlons de la sardine. Philippe Emmanueli, notre spécialiste sardine du jour, vous êtes venu avec cette bouteille des îles Canaries. Ouais. Je ne savais même pas qu'il y avait de la vigne sur cette île. Oui, oui, depuis très longtemps. Incroyable. Et ils ont, c'est d'ailleurs assez original, même les techniques employées. Donc on est sur les sables noirs volcaniques. Eh oui. Et donc une des particularités, c'est que les vignes qui sont là sont encore franches de pied, ouais. Ah, oui. Dont une partie date de l'époque préphylloxérique, puisque le phylloxéra ne peut pas survivre dans le sable. D'accord. Et pour lutter contre la chaleur et surtout contre le vent, ils ont une technique, ils créent des toutes petites arènes dans lesquelles chaque pied de vigne est planté. Et ah, donc c'est pas de la conduite comme chez nous, donc chaque arbre... Non, c'est en foule et protégé, chaque arbre a son petit monticule de sable noir pour le protéger. Et donc certaines vignes ont plus de 100 ans alors. Oui, tout à fait. Et donc ça produit... Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un matériel végétal qui est très ancien, et des jeunes vignerons qui eux sont tout neufs, et qui introduisent certaines notions comme le vin nature, comme... Mais on replante encore régulièrement ou pas? Alors on replante, mais il faut beaucoup de temps. Hein. Il y a une période où ça s'est un petit peu moins fait, parce que ces îles n'ont pas été toujours très, bien, très peuplées. Il y a une désertification des... Mais voilà, en tout cas, c'est assez original et ça a beaucoup, beaucoup de caractère. Ce sont des cépages qui sont des cépages autochtones. Là, du Gual, Marmajuelo... Oh là là, ça sent l'été, ça, Carlo. Ben oui. Et là, on boit quoi, là? C'est, donc, très belle bouteille, très beau design. Oui. Donc, ça s'appelle c'est une méthode ancestrale, ça, c'est Vignatigo. C'est un très, très beau domaine. Ouais. Des jeunes qui font un super boulot, qui séparent un petit peu toutes les... qui font des vins monovariétaux. Ouais, alors que dans la culture espagnole, c'est plutôt... Des assemblages. Tout à fait. Et qui arrivent à donner beaucoup de finesse et en même temps beaucoup de caractère à leur vin. Et c'est un peu le chouchou du moment. En quoi c'est... Quel est le... Alors ancestral, c'est pas tellement ancestral, on imagine une tradition séculaire. En fait, c'est une des méthodes d'élevage dans des barriques de madère et de séchage au soleil, parce qu'ils ont, ils font ça aussi, surtout pour les rouges et un petit peu pour les blancs. C'est que les raisins sont d'abord séchés au soleil avant d'être pressés. Donc on concentre terriblement. Le vin reste assez frais. C'est surtout qu'on lui donne une patine particulière. Mais donc, et est-ce que les sucres sont complètement transformés en alcool ou on a... Oui, tout à fait. Ah oui, non, ce sont des vins. Et donc on est à 16 degrés? Non, on n'est pas à 16 degrés ici, on est... Non, faut pas, sur des cépages qui se sont adaptés au climat, on n'a pas forcément des degrés qui cavalent. Alors on est en train de déguster ce breuvage, vous pourriez un petit peu nous le décrire là, Carlo? Non, Philippe peut-être, oui. Carlo il est plus apte. on a beaucoup de densité, ça a beaucoup de caractère, c'est des notes avec des notes un petit peu résine qui sont appuyées par l'élevage, parce qu'il y a un élevage en barrique, dans des barriques qui ont déjà contenu du madère. Un peu d'oxydation? Un léger, mais c'est compensé par une acidité qui est très jolie, qui est très nette. Donc on est sous des climats un petit peu extrêmes et une bouteille très ciselée. Bon, voilà. Vinatigo, donc un vin originaire des îles Canaries. On le trouve en Belgique, ce vin? On le trouve en Belgique, oui. Vous avez un très bon importateur, un importateur de vin espagnol. Bon, vous savez ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'adresse de votre importateur sur notre page Facebook et sur le site La Première. Et lui, il donne la liste des points de vente. Vous pouvez peut-être juste donner son nom. La Buena Vida. La Buena Vida, voilà, comme comme ça. Vous pouvez vous fournir en vin des îles Canaries, puisqu'on est encore et en vacances. Et en produits espagnols on de, en profite. De haut de gamme. Alors, on parlait quand même, revenons-en à nos sardines, Carlo, oui. De sardines ce matin. Bon, effectivement, on aime ou on déteste, c'est très particulier, c'est un poisson qui nage en plein paradoxe, effectivement, mais pourtant, bien cuisiné, elle peut offrir pas mal de découvertes. Philippe Emmanueli, d'abord, quel type de gabarit choisir? Est-ce qu'il y a une règle en particulier? Il n'y a pas de règle, disons que les petites sardines, alors on les mange entières, on n'a pas besoin de les vider, ni de les écailler, parce qu'elles ont très peu d'écailles, donc on les essuie avec un morceau de papier essuie-tout, d'accord. Et ça suffit largement, et on les mange entières, grillées, frites, poêlées. Je suis assez d'accord avec Carlo, moi je ne suis pas très fan de la sardine grillée, je trouve qu'elle est toujours un petit peu excessive. Ouais. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose avec surtout les molécules, enfin, la chair qui est près de la peau et qui est posée sur la chaleur, c'est que ça dégage une odeur de poisson gras grillé qui est très désagréable. Et qu'on et un peu d'amertume. Et après, si tu ne manges pas le côté peau en bouche, tu ne retrouves pas forcément ce goût-là, mais c'est un peu comme les fromages qui puent très très fort et qui sont moins goûteux en bouche. Mais comment éviter ça justement, Philippe? On évite de les griller, il y a plein d'autres préparations. Mais moi j'aime... Là je ne suis pas d'accord. Parce alors moi, je sais. Alors d'accord. Alors, on peut les enrouler dans des feuilles. des feuilles de vigne ou des feuilles de figuier. Attendez, moi j'ai entendu dire que la feuille de figuier était toxique. Non. Ah d'accord, donc on pourrait emballer. Cela dit, Jeanne Bayol qu'on a reçue au mois de juin sur la cuisine provençale nous avait donné des conseils. On ne la mange pas. Mais pour enrouler, effectivement, c'était de la brousse, etc. dans cette feuille de figuier. Donc effectivement, feuille de figuier, on mettrait la sardine dedans. Et on la pose sur le grill, comme ça elle n'est pas directement au contact. Et puis on a cet arôme, ce supplément d'âme qu'apporte la feuille de figuier. D'accord. Et donc là, combien de minutes plus ou moins sur le barbecue? C'est 2 minutes sur le barbecue. Ah, c'est ultra rapide, avec un petit peu de citron peut-être. On la retourne, on la pose sur une grille chaude, parce que sinon ça colle. Évidemment. Et on n'en retire que des miettes. Ça marche très bien avec la feuille de vigne qu'on peut manger, là, par contre. D'accord, ok. Mais donc, le truc, c'est qu'on emballe cette petite sardine avant de la mettre au barbecue. Carlo ? Ouais, tout va bien. C'est noté ? Ouais, c'est bon, noté. Et sinon, si on veut vraiment la mettre sans... Il y a plein de recettes. Ce qui est intéressant avec la sardine, c'est comme c'est un produit pauvre, auquel on n'a jamais donné de lettre de noblesse, les recettes sont des recettes qui sont très très populaires. Et donc, moi j'ai une recette que j'adore, c'est la sartane, c'est une recette du pays niçois. En fait, on prend des sardines de petit calibre, entiers, on les farine, on les met dans l'huile bouillante et on les écrase et on en fait une crêpe. Oula ! On retourne. Mais attendez, mais donc il y a encore tout, il y a les arêtes. Oui, mais l'arête, elle se mange sur les petites sardines, elle se mange très très bien. Mais vous faites une et donc, ça fait, on peut rajouter des capres, des pignons. Attendez, donc vous allez écraser cette sardine. Oui. Ouais, d'accord, donc vous avez une espèce de pape. Non, on l'écrase et ça fait une crêpe. C'est pas une pape, on l'écrase pas, on l'émiette pas. Ah, c'est d'accord. C'est juste qu'on l'aplatit. Ouais. Et en s'aplatissant, comme ce sont des poissons gras, en s'aplatissant ensemble, ça forme une crêpe. D'accord, mais ça reste un poisson entier. Des poissons. C'est pas un globule. On en met plusieurs. Paf. Tac, on écrase le tout. On tient un petit peu maintenu contre la chaleur. Il faut que l'huile soit bien chaude. Bien d'accord. Huile d'olive. On la retourne. Et on a une crêpe dégustée avec donc, la... Je veux bien essayer, tiens. On pourra demander à Julie Andrieux, puisqu'on ira se balader dans le sud. Et alors, la touche, c'est le vinaigre. Parce qu'on déglace la poêle avec du vinaigre. On fait une escavèche minute. Vinaigre blanc? Non, souvent ça. Oui, ce sont les vinaigres de vin. Oui, c'est ça. Ok. Bon. Mais c'est un petit poisson frit avec le vinaigre dans toute la Méditerranée. Ah oui, mais l'escavèche, c'est terrible. Que ce soit l'escavèche marinée longtemps ou l'escavèche minute, c'est vrai que ça. Du coup, pour le coup, ça, justement, ça tue un peu les goûts un peu forts et ça fait. Donc l'escavèche, on les trempe dans la farine, ça marche bien avec la farine de pois chiche. Ouais. On les frit entière, 20 secondes. Et on les met dans un petit plat en porcelaine avec plein de légumes et un bon vinaigre et un peu de vin. Et vous laissez mariner ça combien de temps? Alors ça peut aller de 1 heure à 24 heures. D'accord. Et puis, vous le consommez comment après? Avec les doigts. Comme ça? Comme ça. Wow, à l'apéro. Oh là là, avec ce bon vin là, des îles Canaries, ça pourrait le faire ça, non? Vin et vinaigre. Parfaitement, pas mal. Toujours un peu. Alors, ça s'appelle donc la. On a évoqué la sartane, donc cette espèce de sardine écrasée façon niçoise, c'est ça? Oui. Ouais. Et puis là, ce qu'on vient d'évoquer, c'est l'escavèche, donc bien. Bon, traditionnel. Qui n'est pas l'escavèche de Chimay, mais l'escavèche, c'est un produit qui a conquis toute la Méditerranée et le sud de la Belgique. Exactement. Voilà. Pas mal de questions qui nous sont parvenues aussi sur les sardines en conserve. Il y a toute une tradition de la conserve de sardines sur la façade ouest de la France. Il y a quelques régions comme ça qui méritent le détour, quelques villes aussi peut-être. Mais c'est essentiellement la façade atlantique, donc du Portugal. Les Portugais sont très très forts en conserverie. Mmh. Alors on y trouve des sardines en conserve, mais aussi des œufs de sardines en conserve. Et évidemment, le bassin, enfin la baie d'Ouarnenez, et jusqu'au Guilvinec, où on trouve encore quelques conserveries, un petit peu en Charente aussi. Qu'est-ce qui fait la qualité d'une bonne sardine en boîte, justement, Philippe Emmanuelli? On peut se poser la question, parce qu'en supermarché, il y en a pas mal vendu, mais bon, c'est rarement transcendant. C'est comme pour tout, c'est un peu le feeling, le touch. Il faut le bon salage, parce qu'on les sale un petit peu avant. Donc il faut le bon saumurage, et puis ensuite la bonne cuisson, la cuisson juste, et une bonne huile d'olive. Voilà, c'est ça qui marche. Ouais. Et en plus, c'est un fait assez remarquable, c'est que la sardine en conserve est 10 fois plus riche et 10 fois plus nutritive que la sardine fraîche, qui est déjà atteint des sommets. Moi, j'adore ça, ce genre de bonne sardine, mais vraiment, alors, ça vient d'une belle conserverie artisanale, un bon morceau de pain assez épais, gratté à l'ail, avec ce petit filet de sardine, là, c'est... Pour rendre hommage à cette excellente chanson de Patrick Sébastien, à Qu'est-ce qu'on essaie Oui, on va pas demander à Laurent Nélissen de nous en mettre un extrait, bien. Allez, bon, si tu nous trouves ça, Laurent, et puis on se fait virer d'ici midi, On peut s'amuser, c'est les vacances, les amis, on parle de la sardine. Alors, une fois qu'on a une bonne sardine en boîte, et bon, mettons même une sardine de supermarché en boîte, c'est bien de la décliner en rillettes. Je sens qu'il y a du Patrick Sébastien qui arrive. Voilà, c'est fini. Oui, ça marche bien. Voilà, allez, c'est bon les amis. Voilà, vous écoutez toujours c'est quand la même première. Un incontournable pour faire tourner les serviettes en fin de banquet. Voilà, voilà, vous écoutez toujours bien la première, ne zappez pas les amis. Je crois qu'on va arrêter le supplice là, Laurent Nélissen. C'est dommage, on n'avait pas encore les paroles. Oui, bon, allez, si on a quelques paroles en fin d'émission, si vous êtes sages, les amis. D'accord, c'est gentil. Vraiment, je ne sais comment vous remercier. Alors, la rillette de sardine, comment est-ce qu'on fait, Philippe Emmanuelli? Alors, bon, la rillette, là, on s'entend, c'est juste une sardine écrasée. On ne rajoute pas de gras, on ne rajoute pas de... Non. Ah, pourquoi? Non, on écrase simplement les sardines. Ouais. Avec un petit peu d'huile de la boîte des sardines. Ouais. Et on l'épice. Alors là, il y a différentes... ça marche très bien avec des raisins secs ou de l'abricot sec mariné dans le vinaigre. Ça marche bien avec la menthe. Ça marche bien... Il faut lui donner beaucoup de peps. Ouais. Une recette qu'on fait qui est très chouette, c'est avec beaucoup de menthe poivrée et des raisins qu'on a pelés, qu'on a laissé mariner dans du vinaigre. Des petits raisins... Des raisins frais. Vous prendriez quoi comme raisin Des petits muscats et des muscats ou des chasselas, ça marche très bien. Oui, c'est ça. Sardines, petits raisins et menthe. Oui. C'est audacieux, ça, comme association. Du coup, ça me donne envie de goûter la sardine. Bon, si on n'a pas les raisins là sous la main... Il y a les recettes un peu plus crapuleuses. Soyons fous. Non, les sardines au cheddar. Ah, mais enfin non. Oui, ça fonctionne assez bien. Du cheddar. Mais là, on peut juste mettre une tranche de cheddar sur la boîte de sardines ouverte et la passer sous le grill du four. Une tranche de mimolette très jeune et ça marche bien. Sardines au cheddar. Pourquoi pas? Moi, je suis prêt à tout essayer. Puisque j'aime Il y avait aussi une recette de Frédéric Grasset-Armé qui... Alors, on peut peut-être juste la resituer. Présidente de l'Amicale du Gras en France. Une super nana, complètement déjantée d'ailleurs. Oui. Et qui osait le crumble de sardines directement dans la boîte. Et ce qui est pas mal aussi. Oui, mais attendez, comment est-ce qu'elle faisait? On fait une pâte à crumble, on ouvre la boîte de sardines, on vide un peu l'huile. On fait un crumble salé, parmesan, et on le passe au four quelques minutes. Donc farine, parmesan, beurre, sel, du poivre, tout ça. Pauvre. Mais pourquoi pas. Mais juste des petites sardinettes, les sardinillas avec des pâtes, où ça fonctionne aussi. La très, pasta très qu'on les sert, c'est un classique sicilien, me semble-t-il. Avec de la chapelure aussi. Mais les Siciliens, ils mettent de la chapelure partout, ça remplace le fromage, moins cher. Ouais, dans le fromage. Voilà. C'est quand même. Voilà. Effectivement, on risque notre place, mais ça valait la peine. Corinne Boulanger est en vacances, là. Ouais. Voilà, on se détend. Merci, Laurent. Après tout, on est au mois d'août. On a une année compliquée, anxiogène. Alors, on libère les chakras. On parle sardines. Avant de retrouver dans quelques minutes Julie Andriot, qui d'ailleurs nous donnera une petite recette de sardines farcies. Vous pourriez la farcir de quoi, cette sardine? cuisine. Les farces traditionnelles, ça se fait beaucoup dans les Pouilles et je pense aussi la Calabre et même en Sicile. Ouais. C'est les becs figues, donc fait on les désarrête. Les quoi, les becs figues. Becs figues. Sinon des petits oiseaux qui se gavent. Et donc on les désarrête. On garde le petit bout de queue et on les farcit avec un mélange de pain toujours, de capre, de pignon, d'anchois, d'herbes en tout genre, de raisins secs. Et on les roule et on les pose sur un plat séparé par une feuille de laurier et on les passe au four arrosé d'huile d'olive. Farce pignon, raisins secs, capre, c'est vraiment un classique sicilien napolitain qui va avec plein de trucs et notamment ça, ça fait manger... Moi, les quelques fois où j'ai goûté les sardines, c'était ça. Ouais. Moi, j'ai vu en Sicile des pêcheurs manger de la sardine crue. Oui, ça fond. C'est quand même... Oui, mais faut y aller, là. Oh, c'est comme le maquereau, après tout. Ouais. Non, ça se fait, c'est très très bon. Ouais. C'est pas aussi fort qu'on peut le supposer. Elle a un goût et un arôme fort quand elle cuit. Ah, d'accord. Pas quand elle est crue. Et notamment avec ces sardines du Guilvinec qui sont un peu plus charnues, un peu plus grandes. Donc on les désarrête complètement, on retire la tête et la queue. Et on les pose juste... sur une assiette avec un peu de sel, de citron et un peu d'huile d'olive. Attend 20 minutes et elles sont confites. Oui, c'est ça. Mais donc, on les fait cuire quand même dans le citron. Dans le citron, c'est parfait. Un ceviche de... Oui, c'est le même principe. Ouais. Et juste l'astuce pour les désarrêter. Donc, c'est très simple. On n'a pas besoin d'ustensiles pour ça. On les pince au niveau de derrière la tête. Mm-hmm. Ça devrait être la nuque. Et on tire sur l'arête. Et là, elles se détachent toutes seules des filets et les viscères en même temps. C'est très simple, j'ai besoin de les essuyer. Faudrait faire un petit tutoriel vidéo, mais oui. Après 40 minutes dédiées à la sardine, mais ça va. Est-ce que vous seriez tenté par une petite escapade sardinière ? Oui, d'abord je suis tenté, et puis je trouve qu'il faut confier son appétit au bon restaurateur. C'est-à-dire que quand vous n'aimez pas quelque chose, en général dans un bon restaurant, où les gens maîtrisent, que ce soit un restaurant étoilé ou pas, on s'en fout, mais vous pouvez confier votre appétit sur les choses que vous n'aimez pas, vous risquez franchement une bonne surprise. En revanche, si le restaurateur touche pas, vous risquez parfois de ne pas aimer quelque chose que vous aimez d'habitude, mais je préfère être optimiste et voir les choses dans l'autre sens et confier mon appétit aux gens. En tout cas, moi, juste après l'émission, je me laisserais bien tenter par des petites rillettes de sardines, là, avec un bon petit vin. Donc, pour l'association Sardine-Vin, on va sur des vins vifs. Des vins vifs, mais pas des vins suffisamment puissants. Voilà. On peut aller sur des vins qui ont un élevage en barrique, on peut aller sur des vins un peu plus complexes. Il faut que c'est suffisamment de caractère pour couvrir cet arôme de sardine. Ah d'accord, mais donc le côté barriqué ne sera pas un problème ? Non. Carlo, vous baillez, je vous signale, vous baillez là. Mais pas du tout. Attention, je vous remets du Patrick Sébastien. C'est l'appétit, j'ai faim, vous avez réussi à me donner faim avec le sardine. Notre homme se détend, que voulez-vous ? Donc effectivement, un bon vin, on reste sur du blanc là, clairement. Oui, et puis des vins du sud. Oui, c'est ça. Mais écoutez, on peut décliner cette sardine de mille et une façons. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons poster une série de bonnes recettes sur le site lapremière.be. On vous retrouve évidemment, Philippe, chez Crab Club. Qu'est-ce qu'il y a à la carte en ce moment, en mois d'août, là, on a quoi ? Il y a toujours un petit peu moins de coquillages en ce moment parce qu'il fait chaud et que... Vous avez du homard ? De temps en temps, on a du homard. Oui. Ok, parce que le homard, c'est pas mal. Oui, c'est la saison. C'est la saison. Bel homard breton, là, avec un petit beurre à l'ail. Oh là là, il suffit. Cette émission est un supplice, quand même, Carlo. Oui, c'est un supplice, mais en même temps, c'est une joie sans fin. Voilà, Crab Club, la table du moment. Et puis, on peut toujours se glisser dans une bonne lecture. Le dernier ouvrage en librairie, Fish, publié chez Marabout et commis par notre invité du jour, Philippe Emmanuelli. Philippe, on vous retrouvera à la fin du mois d'août. On parlera de l'art du rôtissage, de la rôtisserie, en fait, puisque vous avez ouvert une rôtisserie à Bruxelles. Donc, on aura l'occasion de décliner quelques beaux morceaux de viande et pas que à la rôtissoire. Au rôtissoire ? À la rôtissoire ? La rôtissoire, il me semble. Hein. Ouais. Voilà. À suivre, les amis, Julie Andrieux, qui nous emmènera pour une balade dans le sud-est de la France. Et puis, Philippe Limbourg, celui-là, qui nous parlera de quelques jolies tables à découvrir en Brabant. Où allons pour l'heure ? Serge Gainsbourg, l'eau à la bouche. écoute ma voix, écoute ma prière. Écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire. Je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche. Je te veux confiante, je te sens captive. Je te veux docile, je te sens craintive. Je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche. Laisse-toi au gré du courant, porté dans le lit du torrent. Et dans le mien, si tu veux bien, quittons la rive, partons à la dérive. Je te prendrai doucement et sans contrainte. De quoi tu peurs, allons, n'aie nulle crainte. Je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche. Cette nuit près de moi, tu viendras t'étendre. Oui, je serai calme, je saurai t'attendre. Et pour que tu ne t'effarouches, vois, je ne prends que ta bouche. Ça se passe sur la première. En Belgique, la crise a... Chaque samedi de l'été sur la première, Autopsie explore en profondeur un événement de notre histoire récente. Sauver Fortis, c'était la mission du gouvernement. Avec des archives, mais aussi des témoignages d'acteurs sur les coulisses. Moi, je reçois un SMS d'Elio disant « Rendez-vous au palais ». Une heure pour comprendre, au travers d'un grand récit à découvrir en radio le samedi midi, mais aussi en podcast et sur notre web documentaire www.rtbf.be/autopsie, rtbf.be/autopsie. Le samedi 20 août, ne manquez pas la nuit de feu au château des Lessines, le plus grand feu d'artifice de Belgique. Une heure de spectacle magistral, fait d'artifice, d'opéra et de lumière. Entrée gratuite pour toute la famille. Pensez à réserver votre parking et votre pique-nique sur 070.be. Avec la Loterie Nationale, la province du Brabant Wallon, l'EF, la 2 et la première. Trouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini-format, premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. La première présente le Festival Théâtre Ouvert. 12 spectacles tout public, une création, du cirque et une lecture apéritive autour du thème de l'amour du 24 au 28 août à Doricourt. Le plaisir de découvrir le théâtre autrement. Infos et réservations, théâtreouvert.be ou 068 65 96 26. Avec la commune de Silly, la Loterie Nationale et l'Avenir. 11h midi. Bientôt à table sur la première. Avec Sophie Mouns. Carlo, oui, après nos jolies sardines, oui. Là vous allez en manger là maintenant du coup. Oui, je sais pas. Franchement, allez. Oui, j'ai du mal avec la sardine. Bon, voilà, ben on va aller se balader dans le sud, dans le sud-est de France avec Julie Andrieux que nous retrouvons. Bonjour, bonjour Julie. Bonjour Carlo, bonjour Sophie. On le rappelle, animatrice passionnariat de la bonne cuisine, vous animez tous les samedis sur France 3 les carnets de Julie et vous êtes l'auteur de ce Tour de France gourmand publié aux éditions Alain Ducasse. Alors la semaine dernière, nous nous sommes arrêtés dans le nord. Aujourd'hui, on prend un petit peu de soleil, le sud-est, Menton, Cap Corse, les Baux de Provence, ça sent bon, la lavande, le citron, ça sent bon. Le pistou aussi, c'est que bien du sûr. Bonheur. Alors on va aller se balader peut-être du côté de la Riviera, là, pour commencer notre périple, Julie. La Riviera, ça vous inspire quoi ? Ça m'inspire l'enfance déjà, parce que j'y ai passé une bonne partie de mon enfance. Ma grand-mère était d'origine italienne, Carlo, et elle avait émigré avec ses parents à Monaco, aussi curieux que ça puisse paraître, bien avant que Monaco ressemble à ce qu'elle est aujourd'hui. D'accord. Et moi, j'ai passé une partie de mon enfance là-bas et ensuite dans l'arrière-pays niçois. Et donc, tout ça me parle, les petits farcis, la soca, le stockfish, c'est le plat de mon enfance. Alors ça, on peut peut-être en parler. Donc, les barbajans. Ouais. Ouais, ah oui, oui, on parle de tout ce que vous voulez. La tourte de blettes aussi, ça c'est merveilleux, la tourte de blettes, sucré salé. On n'en peut plus, salée, là, oui, Julie. La tourte de blettes, c'est juste très beau parce qu'il y a du, il y a les bêtes qui sont théoriquement salées et puis il y a le sucre glace dessus, c'est très surprenant. Et les raisins secs parfois aussi. Oui. Ouais. Alors là, c'est une recette, vous l'avez dit, Carlo, il y a autant de recettes que de cuisiniers. C'est une recette où la dame mettait des pommes également. Elle mélangeait donc les pommes, les bêtes ou blettes, les raisins secs, un peu de rhum, dans une pâte à pain finalement, un peu enrichie. Et c'était absolument à tomber. Moi, j'ai fait un livre sur, toujours aux éditions Alain Ducasse, justement, sur les desserts aux légumes. Parce que c'est un sujet qui m'intéressait. Je me disais, c'est curieux, en France, on associe toujours les desserts à quelque chose d'un peu péché, qui va nous faire grossir. Alors que finalement, on trouve peut-être plus souvent à l'étranger et dans le sud de la France, beaucoup de desserts aux légumes. Regardez la tourte des Américains ou des Anglais avec le pumpkin, avec le potiron, le carrot cake et justement la tourte de blettes. Voilà. Mais ce qui est merveilleux dans le pays niçois en général et puis dans la Riviera aussi, c'est justement cet usage du légume qui est une cuisine du pauvre au départ, hein, parce que chacun avait son petit coin de potager. Surtout que c'est une terre qui finalement n'est pas si fertile que ça, qui est assez sèche, assez rocailleuse. Et ils ont réussi comme en Italie d'ailleurs à développer un répertoire gastronomique avec ces légumes absolument merveilleux. Et c'est une des régions où on mange le moins de viande. Ce qui, je dois dire, me faisait une petite pause parce que moi j'en avais un peu marre du cochon, parce que en France c'est quand même cochon, sur bœuf, c'est tout le temps comme ça, avec la patate aussi. Et donc là tout d'un coup je me suis retrouvée dans un pays de France où on avait des recettes fabuleuses, les fleurs de courgettes farcies, les petits violets, les petits artichauts violets sautés. Et c'est vrai que ça m'a fait des vacances. Alors vous avez passé quelques temps à Monaco et vous parliez d'une spécialité que vous avez pu déguster sur place, le Stockfish, c'est quoi ça exactement? Ah, le stockfish. Alors, en fait, Est-ce que c'est de la morue? Non. C'est de l'aigle fin. Voilà. Ouais. C'est de l'aigle fin qui a été séché, très légèrement salé, mais surtout séché. La morue est salée avant tout. Mais là, c'est un poisson c'est un bâton, en fait. D'ailleurs, je crois que stockfish, dans le langage ancien local, ça voulait dire bâton. Et alors, il faut presque une semaine pour le réhydrater. Donc, je ne vous dis pas l'odeur dans la maison, quand même. D'autant plus que ce plat doit inclure absolument, et c'est ce qui donne son goût, les tripettes du stockfish, donc de l'aigle fin. Et bon, alors dit comme ça, ça ne fait pas rêver. Mais je peux vous dire que tout ça mijoté avec une bonne dose d'huile d'olive, avec des olives, avec de la tomate, avec des pommes de terre, avec des oignons. Et pourtant, c'est un plat qui est assez roboratif, contrairement à l'image qu'on a de la cuisine locale. Et pour moi, on allait manger ça avec ma grand-mère sur le rocher. Et c'est vraiment des saveurs. Alors, c'est des saveurs fortes, hein, mais moi, c'est tout ce que j'aime. Et ça me rappelle quelque chose. Quand j'ai voyagé, notamment en Asie, je me suis aperçue d'une chose qui m'a amusée, c'est que là-bas, ce qui est le plus prisé du poisson, la partie la plus noble, ce sont les tripes. Et la tête, qui sont considérés comme des réservoirs de saveurs, beaucoup plus que les filets. Alors que nous, évidemment, on jette tout ça. Et eux, c'est la première chose qu'ils cuisinent. Donc c'est amusant parce qu'on retrouve des similitudes dans ces cuisines-là, qui sont des cuisines de marins. Hein. Bien sûr. Voilà, et ce qui est amusant aussi, c'est de constater que ces poissons séchés, que ce soit la morue ou le stockfish qui viennent de Terre-Neuve, qui viennent de loin, ont conquis tout le bassin méditerranéen, du Portugal jusqu'à l'Italie. En Italie, on fait la différence aussi entre stockfish et baccala, qui est la morue, qui ne se traite pas de la même manière, mais qui sont dans toute l'Italie, du nord au sud, le stockfish et la morue se retrouvent dans toutes les cuisines, de la même manière qu'au Portugal, où c'est le plat d'ailleurs. C'est donc très intéressant. Effectivement, même si, effectivement, à la première bouchée, ça peut surprendre, on va dire. Non, mais vous avez, alors je parle de Monaco, mais il y en a effectivement à Nice, évidemment, et on en retrouve aussi dans l'Aveyron, curieusement, du stockfish, alors cuisiné un peu différemment, mais si vous avez l'occasion de passer par là-bas, allez dans un restaurant de terroir, ou chez des gens, et essayez, parce que c'est vrai que c'est un plat qui est long, qui est fastidieux, et qui demande une culture que tout le monde n'a pas, mais c'est incontournable, vraiment. Bon, le stockfish, on prend. La soca aussi, spécialité évidemment de la ville de Nice. Donc là, on est sur la farine de pois chiche, évidemment. Il faut absolument goûter quand on va sur place, hein, Carlo. La soca, on va laisser Julie en parler. Oui, moi, c'est un plat de l'enfance pour moi. Ça vous inspire. La soca, oui, c'est, en fait, c'est une nourriture de rue, surtout. Hein. Oui, c'est la street food. Ouais. Voilà, donc on cuisait ça dans des fours qui étaient des fours communaux. Et donc, c'est uniquement de la farine de pois chiche, de l'eau et du sel, avec un petit peu d'huile évidemment, et on cuit ça à très forte température, un peu comme une pizza, sauf que c'est pas garni, et on mange ça dans la rue. C'est, enfin, moi je trouve ça absolument délicieux. On peut le faire soi-même, ouais, à condition d'avoir un four qui déménage un peu. Il faut un four qui monte au moins à 250 degrés, c'est vrai. Mais il faut faire gonfler la farine de pois chiche dans de l'eau et dans de l'huile d'olive. Vous mettez une couche d'un centimètre à peu près dans la lèche frite, et puis vous mettez ça au four très très chaud, l'eau va s'assécher, et à la fin reste cette galette absolument merveilleuse qu'il suffit de poivrer. Magnifique. La socca qu'on appelle farinata en Ligurie ou cecina en Toscane. Quelle érudition. Vous êtes originaire d'où, Carlo? Moi je suis de partout, mais disons que j'ai souvent arpenté. Côté Italie, mes origines sont en Campanie, mais comme mon papa avait vécu 20 ans à Gênes, c'était obligatoire quand nous descendions dans le sud, et je le fais encore, de s'arrêter à Gênes pour manger ce qu'on appelle là-bas la farinata. Et maintenant que je vais souvent à la Côte d'Azur, je vais toujours au marché du Cours Saleya à Nice pour manger de la socca. Voilà, c'était la tranche de vie de Carlo. Tu vois, on me demande, je réponds, j'adore ça, c'est tellement moi, bon. Ça me fait rêver. C'est tellement bon. Alors du côté de la Camargue, Julien Drieux, il y a une spécialité à découvrir, c'est les grillades. C'est quoi ça? Ah oui, alors ça c'est un plat que j'avais eu l'occasion de cuisiner parce que je l'avais trouvé probablement dans un livre de cuisine, mais que je n'avais jamais goûté sur place, ayant assez peu finalement parcouru la Camargue. Et grâce à l'émission, j'ai pu le cuisiner avec une dame tout à fait locale. Et c'est un plat étonnant, c'est un mélange de bœuf. Alors eux, ils le font même carrément avec du taureau. Mais ici, on prendrait, enfin en dehors de la Camargue, on prendrait des morceaux de paleron coupés en tranches et qu'on va superposer. Et entre chaque morceau, dans une cocotte, on va mettre un petit mélange d'ail, de persil, de capre haché, de cornichons éventuellement, donc aigrillade, hein, on en retrouve l'aigre, d'anchois. L'anchois, finalement, se marie souvent très bien avec la viande, notamment avec le gigot d'agneau aussi. Et puis du vinaigre. Un tout petit peu d'huile d'olive, c'est un plat assez maigre, qui cuit à l'étouffée, souvent dans la cheminée. Et je peux vous dire qu'à l'arrivée, enfin moi j'adore les plats mijotés, je trouve ça merveilleux parce qu'on a à la fois bon, le côté roboratif de la viande, mais c'est très allégé par cette... aigritude, on pourrait dire, aigreur, mais aigreur, c'est pas tellement, ça fait pas rêver. Et ça, c'est un plat très facile finalement. Alors évidemment, ça cuit 3 heures parce qu'il faut que le paleron soit tendre, mais vous mettez tout dans la cocotte, vous laissez dans le four idéalement, hein, parce que la cheminée, c'est pas très courant, à feu assez doux, comme un bourguignon, et hop, vous l'oubliez, et ça impressionne les copains quand même. Hein, ça fait à l'arrivée, on a une sorte de confiture de viande, ça se défait Ça pourrait se manger à la cuillère, mais c'est pas confituré. Non, ça se délite pas. On a vraiment les tranches quand même. Ah, mais les saveurs du vinaigre et des cornichons, des condiments se sont bien mélangées avec la viande. Mais non, c'est pas un salmi. Hein. D'accord. Pas mal. Une spécialité que je ne connaissais pas. Ah non, pas du tout. Que je ne demande qu'à découvrir. Donc ça se passe en Camargue. Et là, on a parlé tout à l'heure, Carlo, de sardines. Il y a une recette dans votre ouvrage, Le Tour de France Gourmand, de recettes farcies de Suzon. C'est une recette que vous avez découverte du côté de Menton. Oui, absolument. Ouais. Très jolie ville, Menton. À visiter pour les jardins, pour les citronniers, la fête du citron, puis pour la ville elle-même qui est magnifique. Et en plus, il y fait un temps, c'est quasiment tropical comme climat. Et alors oui, les sardines farcies de Suzon, figurez-vous que c'est l'une des nombreuses recettes que j'ai refaites à la maison avec bonheur. C'est devenu une spécialité. On me la réclame en famille. C'est très simple. En fait, on prend des sardines qu'on met en filet. Moi, je conseille d'acheter des sardines entières plutôt que des filets parce que au moins on a une garantie de fraîcheur, on peut la vérifier, c'est assez facile à lever, et puis ensuite on fait une farce avec de la laitue, du parmesan, j'ai plus en tête la recette, chapelure, bah oui bien sûr, et puis alors sur le dessus ce qui est très mignon c'est qu'on met quelques grains d'anis, quelques tiges de fenouil, parce que là-bas on cuisine tout avec le fenouil séché, et on enfourne, on rajoute éventuellement un peu de parmesan, donc c'est très simple hein, finalement, mais on peut mettre, si on n'a pas de laitue, on met une autre salade qui sera d'ailleurs probablement plus parfumée. Moi, je l'ai apprise comme ça. Et on a ces sardines donc, qui sont comme un sandwich de farce entre deux filets. Et ça, c'est très, très bon. Ça peut se manger chaud ou froid. Moi, je mettrais bien un peu de roquette là-dedans, non? Ah bah absolument, ça va poivrer naturellement le mélange. Parce que vous savez ce qu'on va faire? Vous nous autorisez à mettre la petite recette sur notre site? Oui, allez, avec plaisir. Les sardines farcies de Suzon. Merci, Suzon. Bye Julien Drieux, c'est à découvrir donc sur le site La Première. Merci beaucoup en tous les cas, Julie, pour cette jolie balade pleine de soleil. Moi, j'ai soif là tout d'un coup. Merci. Il est où le vin? vin, le bon pinard du Sud. Ben voilà, parce qu'il y a des bons rosés de Provence. Ben, regardez, Philippe Limbourg, là, qui s'installe, nous a apporté de quoi boire. Ben, ça nous tombe bien, on va aller aussi se balader en Brabant Wallon, Carlo, à la découverte de quelques bonnes tables. Merci, bien de chez nous. Merci beaucoup, Julie. Merci, et on se retrouve la semaine prochaine. Les terrasses de l'été, de la gourmandise sous soleil. Bon, Carlo, ouais. De la sardine au Brabant Wallon, mais oui. Il n'y a qu'un pas que nous allons franchir. Surtout qu'en ce moment, il n'y a personne. C'est non, les gens sont revenus. Les gens sont revenus. Non, c'est après le 15 août. C'est après le 15 août. Les gens reviennent. Oui. Non, le Brabant Wallon et ses bonnes tables, trêve de plaisanterie. C'est avec M. Philippe Limbourg que cela se passe. Philippe des Guides Gaumillot. Bonjour Sophie, bonjour Carlo. Salut. Alors, Philippe. Où est-ce que vous allez nous emmener ce matin? Alors le Brabant Wallon, vaste province, avec effectivement vaste choix, pas toujours gastronomique malheureusement, mais il y a quand même quelques adresses qui tirent leur épingle du jeu, que ce soit en gastronomie ou en belle terrasse. Alors en gastronomie, je vous invite à aller prendre un bon lunch en terrasse, un lunch gastronomique qui plus est, dans des adresses comme la Frérie, à Pérouet. On a un lunch 3 services, 32 €, et on ne vous fout pas de vous avec un tempura de crevettes grises par exemple, ou volaille de Bourgogne avec sa texture de chou, gnocchi frit et champignons marines. Et un accueil vraiment charmant. Ouais. Voilà, et une terrasse qui a été refaite il y a 2 ans et qui est vraiment très agréable. On a l'Amandier où ils ont toute petite terrasse. On est où là ? À Genneval. Et alors toujours à Genneval, vous avez aussi évidemment en bord du lac, vous avez deux adresses. En bord du lac ? Oui. Ok, allons-y. Alors, vous avez le château du lac. Mmh. Oui. Ou la terrasse qui avec joue. Avec le Genneval-les-Bains. Voilà, Genneval-les-Bains, où vous mangez effectivement une cuisine de brasserie bien faite. Et alors, pour les amateurs de cuisine un peu plus santé, il y a 2-3 plats qui sont mentionnés comme étant fit. Mmh. Voilà. Et puis, vous traversez la rue, vous avez vraiment là, en bordure du lac, vous avez la brasserie du lac, ouais. Où effectivement, vous pouvez aller, ne fût-ce que pour le banc des cahiers, qui est vraiment formidable. Mmh. Ils ont un volume. Il y a du homard, là, en ce moment ? Ils ont du homard, ouais. ils ont un homarium, mais ils ont rien qu'en huître, ils ont une sélection qui est formidable. Il faut savoir que c'est la même sélection que la brasserie de l'Alliance, les Cicolones. Le mois d'août, c'est la bonne saison des huîtres ou pas on mange des huîtres. Ouais. Si vous allez dans le bassin d'Arcachon, ça débite. La seule chose, il fait chaud. Donc transport, chaîne du froid et tout est quanti. Ouais. Alors, dans les adresses un peu moins connues, j'en ai pointé 2 qui sont vraiment avec une terrasse vraiment intéressante, plus qu'intéressante. Le Damison, on est à Piétrin, dans une ancienne ferme, avec derrière un parc de environ 60 hectares, mm-hmm. avec un petit étang. Là, c'est paisible, vous mangez très bien. On mange du porc de Piétrin. Évidemment, mm-hmm. évidemment. Et du foie gras de la ferme de la Tour, qui est un peu plus loin à Glim, tout à fait. De très belles choses. Et alors, de l'autre côté du Brabant Wallon, là où on est à Bollers, donc non loin de Genappe, il y a le Vieux Marronnier. Et là, c'est une maison en vieille pierre de Bourgogne, c'est superbe. Et à l'arrière, il y a un petit jardin. Où vous pouvez prendre le temps. Là, ce sont des murs. Hein. On parlait des plaines de jeux clôturées. Là, vous avez vraiment des petits murets. Donc, vous êtes vraiment dans une alcôve, dans un écrin de verdure. Et vous profitez là d'un moment de calme et de plaisir à tabler parce que le chef Cédric Tenstedt cuisine merveilleusement bien. Voilà, donc on est au Vieux Marronnier à Bollers. Mais c'est vrai que c'est une occasion aussi de découvrir ces petits villages qu'on n'a pas forcément l'habitude de découvrir. Voilà. À travers la gastronomie, la gourmandise, ça se fait aussi, surtout en cette période de congé. On vous retrouve évidemment, Philippe, dans les guides Gaumillot. Et la semaine prochaine, nous terminerons notre épopée gourmande à Bruxelles. Ah oui. Ben voilà, retour à la maison pour certains. Il y a aussi des terrasses. Hein. Il y a aussi quelques belles terrasses. Donc on restera plus que jamais gourmand. Voilà Carlo, on se retrouve samedi prochain, même heure, même lieu, en très grande forme, toujours un petit peu plus bronzé, vous. Hein, c'est dingue. Oui, mais je passe... Vous partez entre chaque émission, c'est bien ça ? Bien sûr. Coquin, je vais me gêner. Voilà les amis, soyez gourmands, heureux. Et n'hésitez pas à venir vous faire fans de notre page Facebook, bientôt à table, la première. À samedi prochain et très très bon après-midi à écoute de la première. café rue d'Amsterdam. Rien que nous deux, dans tout Paname. Tu veux du feu? Voilà ma flamme. Flou dans les yeux, sacré ramdam. Dans la sono, un air de roi. Mais t'as beau dire, c'est de la bonne cam. Et ça sera quoi pour ces messieurs dames? Un croque-monsieur et un croque, croque. Je croque et je craque et je craque, craque. Craque et je croque et je croque madame. Croque, croque. Je croque et je craque et je craque, craque. Craque et je croque et je croque madame. Tam-tam, c'est ce qui se trame. Pas d'amalgame. Je suis le macadam. Drôle d'oiseau, drôle de drame. À ce petit jeu, j'ai fait mes gammes. Notre amour sera cannibale. On se mange les yeux. Gare à ton âme. Je suis poli, mais polygame. Et j'ai les crocs. Que je craque, craque, craque, je croque et je croque. Croque madame. Croque, croque, je craque et je croque et je croque, croque, croque et je craque et je croque madame. Dit. Hé hey Phil, ça roule? Dis-je pars lundi en vacances, tu peux me déposer à l'aéroport? Mais en fait, ce que votre ami veut dire, c'est... Phil, dis-je pars me dorer la pilule au soleil. Il faut que tu passes 2 heures dans les emboutes pour me déposer et puis repartir chez toi. Enfin non, pas chez toi, au boulot, c'est lundi, c'est vrai. Allez, merci, hein, ciao. Rendez-vous service et faites plaisir à vos amis en devenant ami chauffeur. N'allez pas à l'aéroport, mais à une gare SNCB, où ils prendront le train de l'aéroport. Vous évitez les bouchons et pouvez même remporter des vacances de rêve. Participez au concours sur amichauffeur.be. Le train. J'ai promis à ma femme de lui décrocher la lune cette année, mais je sais pas comment je vais faire. Ah ben moi, c'est déjà fait, la lune. Mais comment t'as fait? À l'Eurospace Center, j'ai été. Non! Oui, et tu sais quoi cette année? Non. Avec toute la famille, hein. On perd sur mer. Sur mer? Oui. Mais enfin! Mais oui, à l'Eurospace Center. Bon, je peux venir avec? Ben évidemment. Allez, j'appelle ma femme. Mais tu sais quoi, on va faire une navette? Eurospace Center, E411, sortie 24. Avec la une, la première et OUV TV. Génial, le long week-end du 15 août. Et chez Intermarché, on a droit à un lapin entier à moitié prix. Seulement 4,99€ le kilo, soit 50% d'économie. Et nous sommes ouverts ce lundi 15 août. Horaire en magasin et sur intermarché.be. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Cuisine Xina. Recevez jusqu'à 100% de réduction sur votre électro pendant le Festival Cuisine. Conditions sur Xina.be. C'est bien pensé. La première présente, Folle de joie, le nouveau film de Paolo Verzi avec Valeria Bruni Tedeschi. Deux actrices au sommet de leur art dans un road movie sous le soleil toscan. Voglio stare bene. Vogliamo stare bene. Gagnez vos places au 0905 56 474 50 cents par appel. La météo. Très belle journée à tous. Les nuages se morcellent en cette fin de matinée. Ils laissent place à des éclaircies. Les passages nuageux sont toujours plus fréquents au nord du sillon sans brumeuse, alors que plus au sud, le soleil est presque omniprésent. Pas beaucoup de changements pour cet après-midi, avec des éclaircies larges et durables au sud-est. Des champs nuageux plus nombreux certes, mais toujours inoffensifs sur les autres régions. L'ambiance sera toujours agréable avec 21 à 22 degrés sur les hauteurs et à la mer. Une pointe jusqu'à 25 degrés en campagne. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini format, premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. La première. Il est midi. Nicolas Leyman avec vous. Bonjour à tous. En Syrie, des centaines de civils viennent d'être libérés par le groupe terroriste État islamique. 2000 personnes avaient été prises en otage hier pour servir de bouclier humain. Dans leur fuite, les djihadistes ont emmené tout le monde, femmes et enfants, alors qu'ils venaient de perdre la ville de Minbej. Minbej, un carrefour stratégique entre la Turquie et Raqqa, la capitale de Daesh en Syrie. La coalition arabo-kurde menait l'assaut contre Minbej depuis près de deux mois. Des villages coupés du monde, des centaines de personnes évacuées. L'état d'urgence a été décrété en Louisiane. Les inondations y ont déjà fait trois morts ces dernières heures et la pluie devrait continuer à tomber encore dans les prochains jours dans le sud des États-Unis. Vous l'avez peut-être vu ou senti cette nuit à Kevi, dans la région de Mons, cette épaisse fumée. L'entreprise Sodecom a été touchée par un grave incendie. Sodecom, qui est spécialisée dans le traitement des déchets, pas de blessés et a priori pas de raison de s'inquiéter pour le voisinage. Les pompiers ont terminé leur intervention ce matin. L'entreprise signale que c'est un problème de combustion qui est à l'origine du sinistre. Un accident ce matin sur la route de la mer, la E40. Cela s'est passé un peu après Gand, à hauteur de Néveleux. Vous ne roulez que sur la bande de droite. Il y a des files importantes en direction d'Ostende, déjà à partir de Mel. Le trafic vers la côte qui est particulièrement dense aujourd'hui, alors que commence le long week-end du 15 août. Aux Jeux Olympiques de Rio, une belle chance de médaille pour la Belgique aujourd'hui. Nafissa Toutiam est deuxième de l'heptathlon après quatre épreuves. Il en reste trois. Le saut en longueur, le lancer du javelot et le 800 mètres, pas forcément ses épreuves de prédilection. Début des épreuves dès 16h45. Mais l'événement à Rio aujourd'hui, c'est l'entrée en lice de la superstar de l'athlétisme, Usain Bolt, le Jamaïcain qui courra les séries du 100 mètres à partir de 17h. Excellente journée. Vous écoutez La Première. Dans un instant, Arnaud Reussen revient sur la saga des panneaux photovoltaïques en Wallonie. C'est à écouter dans Autopsie. Ça se passe sur La Première. Demain à 9h, les Belges du bout du monde. Avec Adrien Jouvenot. Breakfast in America avec Cédric Godard, journaliste épicurien dans les vignobles de Santa Barbara. Avec aussi Roy Gentry, Véronique Gallo et Catherine Tonero. Avant la course à la Maison Blanche, on se détend ce dimanche sur les plages de Californie. Dès 9h sur La Première. Les Belges du bout du monde. Le dimanche de 9h à 10h sur La Première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. En Belgique, la crise a atteint son paroxysme. Exhumez la formation. Bruxelles, Liège, Charleroi vivaient dans une dramatique. Déroulez le film. Les heures les plus graves peut-être de l'histoire de Belgique. Disséquer son contenu, creuser, investiguer, fouiller. Autopsie. Aujourd'hui, retour sur une saga électrique qui va tenir toute la Wallonie en haleine à l'automne 2012, au moment de l'éclatement au grand jour de la bulle photovoltaïque en Wallonie. Panique, électrique dans le secteur des panneaux photovoltaïques particuliers. Les installateurs sont inquiets. Monsieur Nollet, il y a 15 jours, il disait que l'électricité allait être gratuite, en tout cas pour partie. Et aujourd'hui, on leur explique que tout compte fait, ce ne sera pas gratuite. Et même pour ceux qui ont des panneaux photovoltaïques, ce sera même un peu plus cher. Il y a carrément une ambiance très électrique au sein de l'équipe gouvernementale. Le citoyen n'a plus confiance au gouvernement. Il faut être très précis sur la question. Ceci ne concerne que les futurs propriétaires. Quand on promet quelque chose, on doit tenir ses promesses. On ne touche pas aux propriétaires et aux producteurs actuels. Benjamin Wallon fait marche arrière, donc... Oui, quelque part, je me sens personnellement un peu lésée. La polémique fera l'objet de passes d'armes virulentes entre majorité et opposition, mais aussi au sein de la majorité, au sein de l'Olivier Wallon. Comment a-t-on pu octroyer autant de certificats verts ? Comment a-t-on pu laisser enfler cette bulle au risque de plomber la facture de tous les consommateurs d'électricité ? Qui est responsable ? Est-ce la faute d'un système ? Ou de son pilotage, autopsie de la crise photovoltaïque en Wallonie. Cette histoire, on pourrait la faire commencer au Japon, le 11 décembre 1997, à Kyoto. Une ville au nom de protocole, à moins que ce ne soit l'inverse.